إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc on commence aujourd'hui le cours 18 dans la lecture du livre L'explication de Aqidat Ahl Sunnati wal Jama'a de Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Et on est arrivé donc dans, on est toujours dans Al-Iman billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Sheikh donc il explique maintenant les preuves du Coran au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les preuves qu'il a ramenées maintenant, il citait les versets 22 et 23 dans Surat Al-Hashr, 22 et 24 dans Surat Al-Hashr. Naam. Donc, on était en train d'expliquer Ar-Rahman, Ar-Rahim, la signification de ces deux noms-là. Et le Cheikh, en même temps, il expliquait certaines des règles qui ont rapport avec yani, les attributs d'Allah et les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les règles maintenant qu'il expliquait, il mentionnait qu'est-ce qui a rapport avec Ar-Rahma. Et il expliquait que les gens de Bid'a parmi les Asha'ira, les Maturidiyya, donc eux, ils refusent d'affirmer cet attribut à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de rahma. Et ils interprètent al-rahma comme étant al-irada, c'est-à-dire la volonté. Donc chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la volonté, chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la miséricorde, eux ils disent c'est pas la miséricorde, c'est en réalité la volonté. Parce qu'on ne peut pas affirmer à Allah la miséricorde. Et la raison pour laquelle ils disent qu'on ne peut pas affirmer la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent que parce que chez les créatures, la miséricorde, c'est quelque chose qui indique la douceur du cœur et le fait que on ait des émotions et des sentiments. Et ils disent qu'on ne peut pas affirmer ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, bien entendu, les ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ont dit, lorsqu'on affirme un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est clair que cet attribut-là, elle n'est pas semblable à celle des créatures. Et donc si chez les créatures il y aurait une imperfection ou un défaut quelconque dans le fait d'avoir un attribut quelconque, eh bien lorsqu'on affirme cet attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien pour Allah ça n'implique pas cette imperfection-là. Naam, donc oui, c'est une femme. Donc, si tu peux aller ouvrir la porte. Barakallahu fik. Naam. Donc, c'est ça. Et le cheikh, il expliquait, donc il disait, il dit que chez les êtres humains, parfois, en fait, il disait, khulatatul qawl, خلاصة القول أن نحن معشر أهل السنة والجماعة نثبت كل ما أثبته الله تعالى لنفسه لكننا نقول إن الصفة التي أثبتها الله تعالى لنفسه وللمخلوق نظيرها في الأصل لا تماثل بينهما بل بينهما من التباين كما بين الخالق والمخلوق فمثلا رحمة الخالق واسعة عظيمة ورحمة المخلوق قليلة ضعيفة وقد تنتفي في موضع ويجب أن تكون فيه وقد تكون في موضع يجب أن لا تكون فيه. Donc le cheikh il expliquait que, comme on disait, lorsqu'on affirme quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné quelque chose dans le Coran et dans la Sunna à propos de sa personne, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, il faut l'affirmer. Il faut l'affirmer. Et il dit que si par exemple l'attribut en question, Allah subhanahu wa ta'ala se l'est affirmé, donc on doit l'affirmer nous aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il l'a affirmé, nous devons l'affirmer. Et si la créature, elle a une attribut semblable, ou une attribut qui ressemble, dans le sens que c'est le même attribut qui est, le même mot qui est employé pour décrire cet attribut-là, comme par exemple la miséricorde, eh bien, les êtres humains, ils ont la miséricorde, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a la miséricorde, la vue, Allah, il a la vue et les êtres humains, ils ont la vue, Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'ouïe et les êtres humains, ils ont l'ouïe, Allah subhanahu wa ta'ala, il a la vie et les êtres humains, ils ont la vie, même les animaux, ils ont la vie, et même les plantes ont la vie. Wa alaykoum salam. D'accord. Donc on reprend. Il dit, nous, en tant que musulmans, et yani les gens d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah, on affirme tout ce que Allah s'est affirmé pour lui-même comme attribut. Mais on dit, par exemple, l'attribut que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué pour lui-même, et qu'il y a une attribut, par exemple, chez les créatures qui est employée, qui emploie le même terme pour le décrire, et les exemples que j'ai mentionnés, comme par exemple la vue, l'ouïe, la vie, la miséricorde, la science, le savoir, hein, la science, yani la main, l'œil, yani tous ces attributs-là, c'est des attributs qui existent chez les créatures comme elles existent, hein, et comme elles sont affirmées à Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont affirmées pour les créatures aussi, sauf que le cheikh il dit, il faut savoir qu'il n'y a pas de ressemblance entre les deux. C'est-à-dire, il n'y a pas de ressemblance entre l'attribut d'Allah et l'attribut des créatures. Et il dit qu'il y a autant de différences et de séparations, il y a autant de distinctions entre l'attribut d'Allah et l'attribut des créatures qu'il y a entre le créateur et la créature. C'est-à-dire que autant que lorsqu'on parle du Créateur, on dit qu'il est différent de ses créatures, eh bien la même chose pour dire que ses attributs sont autant différentes. Hein, les attributs des créatures sont autant différents de celles du Créateur aussi. Et donc il donne comme exemple, il dit par exemple la miséricorde. La miséricorde du Créateur, elle est immense. Il n'y a pas de comparaison. La miséricorde du Créateur, elle est immense et vaste et large. Tandis que la miséricorde des créatures, elle est faible et elle est petite, elle est limitée. Et c'est possible que parfois, lorsque on devrait faire preuve de miséricorde, les créatures n'en font pas du tout dans certaines choses, alors qu'ils devraient en avoir. Et dans d'autres choses, ils ne devraient pas en avoir dans certains moments, et ils en ont. Hein? Donc ça, c'est la preuve d'une des différences entre le Créateur et la créature, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, elle est parfaite. Tandis que chez les créatures, elle ne l'est pas. Et donc, il donne un exemple de ça. Il dit, « Alaysa ba'dul nas, yarhamu zani, wa yaqulu la tajlidu, فهو يصلي ويصوم ويزكي وقد غلبته الشهوة يوما من الأيام وزنى فارحموه. هل هنا موضع رحمة؟ الجواب لا. قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فرحمة الله فرحمة المخلوق ناقصة وقد تنتفي في موضع يجب أن يكون رحيما وقد توجد في موضع يجب أن يكون غير رحيم. Donc le cheikh il donne l'exemple de la personne qui a fait la fornication par exemple. Personne qui a fait la fornication, c'est-à-dire qu'elle a eu des rapports sexuels en dehors du mariage, alors qu'elle n'était pas mariée, eh bien, dans ce cas-là, on sait que dans l'islam, la peine qui est applicable dans la charia pour la personne qui agit de cette façon, c'est qu'elle doit être flagellée, on doit lui donner 100 coups de fouet. Et les gens, il dit, il y a des gens, dans des situations comme ça, il y a des gens. Il y en a qui disent non, il faut faire preuve de miséricorde pour cette personne. Elle fait la prière, elle jeûne, elle fait la zakat, mais elle a eu, un moment de faiblesse, puis elle est tombée dans le péché du zina, et elle a fait ça lorsque sa passion a pris le dessus sur lui. Donc il faut lui faire miséricorde, il ne faut pas le flageller. Et le cheikh il dit, est-ce que dans ce genre de situation, il faut faire preuve de miséricorde? Et il dit la réponse à ça, c'est que non. C'est pas un moment ou c'est pas une situation dans laquelle le musulman doit faire preuve de miséricorde. Et il cite à ce sujet-là le verset dans Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ne soyez pas pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Donc ça veut dire que dans des situations comme ça, tu dois pas laisser ta pitié, ta miséricorde prendre le dessus sur toi. Et donc il dit la miséricorde, ça c'est la preuve que la miséricorde des créatures elle est défaillante et que c'est possible que également dans certaines situations ils ne font pas preuve de miséricorde alors qu'il faudrait faire preuve de miséricorde. Ça, c'était bon? Ouais, c'est. Ah, elle a pas dit laquelle? Mais moi, je crois que c'est elle. Ouais. Mais je vais prendre les deux quand même. Parce que celle-là, je me rappelle plus, c'est la porte de la clé de quelle porte? Et non. Donc le cheikh il dit ensuite أما رحمة الله فهي كاملة لا تكون إلا في موضع يستحق الرحمة. قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء فبينهما فرق عظيم. Donc la miséricorde d'Allah elle est parfaite, pas comme celle des créatures. Et elle va être uniquement mise dans la situation ou dans la chose dans laquelle elle est méritée. C'est-à-dire, Allah, il va placer sa miséricorde là où elle mérite d'être placée. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 21 dans Surat Al-Ankabut, il châtie qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Et il dit ensuite ثم إن قولهم إن الرحمة لا تكون إلا مع الرقة واللين هذا غير صحيح نجد من السلاطين الأقوياء الذين يوصفون بالجبروت توجد منهم الرحمة أحيانا إذن قولهم باطل. Donc le cheikh il dit que leurs paroles lorsqu'ils disent que la miséricorde elle ne peut être qu'avec une personne qui est douce et sensible et faible, eh bien, il dit ça, c'est pas exact, c'est pas faux, c'est pas vrai. La raison pourquoi c'est pas vrai, comme exemple, il dit, parfois il y a des dirigeants qui sont très durs et qui sont décrits comme étant des tyrans ou des gens très très durs et très injustes, et puis on voit de leur part parfois de la miséricorde qui se manifeste. Et donc ça c'est la preuve que leur parole, leur propos est faux. Hein, que le fait d'avoir de la miséricorde, ça veut dire qu'on est faible, qu'on est sensible et trop doux et ainsi de suite. Puisque on peut être très dur parfois et faire preuve de miséricorde à des gens ou dans certaines situations. Donc, le Cheikh dit: فالحاصل أن كل صفة أثبتها الله تعالى لنفسه فإنه لا يجوز أن نستوحش منها فنحن والله لسنا أعلم بالله من الله فإذا أثبت الله لنفسه أي صفة أثبتها يعني فأثبتها ولكن لا تمثل ولا تكيف لأن التمثيل منفي في القرآن والتكييف منهي عنه في القرآن قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on peut dire comme pour résumer tout ça, c'est que tout attribut que Allah s'est affirmé à lui-même, il n'est pas permis yani de la trouver étrange ou bizarre ou de yani essayer de remettre en question cet attribut-là. Il dit nous, on ne connaît pas Allah mieux que Allah lui-même. Hein? Personne connaît mieux Allah que Allah. Et donc si Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé cet attribut-là pour lui-même, ou n'importe quel autre attribut, alors affirme cet attribut toi aussi. Mais ne tombe pas dans le tamthil et ne tombe pas dans le takif. Le tamthil, ça veut dire tu fais ressembler le créateur à la créature ou la créature au créateur. Donc tu ne dois pas faire ça. Hein? Et tu ne dois pas non plus faire le takif, c'est-à-dire demander le comment ou chercher à savoir comment hein, est l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que en premier, donc tamthil, la ressemblance entre les créateurs et le créateur et la créature, ça c'est interdit, c'est nié dans le Coran. Allah a nié la ressemblance. Et également, il a interdit le fait de chercher le comment. Et il mentionne deux versets à ce sujet-là. Le premier, c'est le verset 169 dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ne dites pas à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, parmi les choses haram, il y a le fait de dire à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Et le fait de faire le tamthil, ça rentre là-dedans. C'est-à-dire, tu dis à propos d'Allah ce que tu ignores. Et il y a aussi l'autre verset: wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. C'est-à-dire, si tu sais pas quelque chose, dis-le pas. Si tu n'as pas vu quelque chose, dis pas que tu l'as vu. Si tu l'as pas entendu, dis pas que tu l'as entendu. Et ça, c'est l'exemple pour l'interdiction de décrire le comment ou de parler du comment des attributs d'Allah, puisque si tu n'as jamais vu ou entendu l'attribut en question, comment peux-tu en donner la description ou bien rentrer dans le comment, puisque tu ne le sais pas. Et le cheikh il dit: فهذه القاعدة يجب أن تجعلوها على قلوبكم وفي اعتقادكم كل ما أثبت الله لنفسه من صفة فأثبتوها ولكن احترسوا من شيئين هما التمثيل والتكييف لأن التمثيل نفاه الله عن نفسه قال تعالى ليس كمثله شيء والتكييف إن لأنك إذا كيفت قلت ما لا تعلم فمثلا أثبت الله لنفسه أنه يضحك فنثبت هذا ولا نبالي ويجب أن نثبت هذا كذلك أثبت الله لنفسه أنه يهرول بقوله من أتاني يمشي أتيته هرولة وكذلك أثبت الله لنفسه أنه يجيء قال تعالى وجاء ربك وأنه يأتي يوم وأنه يأتي قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك فنثبت ذلك لأن ذلك أثبت هذا لأن الذي أثبت هذا هو الله عز وجل وهو عالم بنفسه وبغيره ف فنثبت هذا ولا نستوحش لأنك إذا استوحشت من شيء ظننت أنه وحشة جاء إنسان آخر واستوحش من شيء ترى أنه ليس بوحشة وحينئذ يكون إثبات الصفات أو نفيها عن الله مبنيا على التحكم العقلي وإذا رجعنا إلى العقول فبأي عقل يوزن ما يثبت الله ما يثبت لله وما ينفع عنه. Donc le cheikh il dit, il y a une règle que tu dois mettre dans ton cœur et dans ta croyance, c'est que tout ce que Allah s'est affirmé pour lui-même comme attribut, alors affirme. Et tu dois tenir compte de deux choses, l'interdiction de faire at-tamthil et at-takif, comme on vient de le mentionner. At-tamthil, Allah l'a nié dans le verset « Laysa kamithlihi shay » le verset 11 dans surat Shura. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien comme lui. » Et le takif est interdit parce que lorsque tu décris le commun des attributs, eh bien tu dis ce que tu n'as pas, hein, ce dont tu n'as aucune science. Et il dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé à lui-même qu'il rit. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses attributs, c'est qu'il rit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça dans un hadith authentique, que Allah subhanahu wa ta'ala rit. Alors, nous devons l'affirmer, hein? Nous devons affirmer cela, et on ne doit pas y aller sans faire avec ça, ou se casser la tête avec, dans le sens d'essayer de comprendre, ou de décrire, ou d'imaginer, ou y aller de rentrer dans le commun. On n'a pas à faire ça. On l'affirme et c'est tout. De même que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé qu'il court. Hein? Comme c'est mentionné dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, et le hadith ça dit, celui qui vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui en courant. Hein, c'est un hadith Qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui en courant. Donc on doit affirmer cela, hein, et pas essayer de nier ça ou d'interpréter ça dans notre esprit en imaginant quoi que ce soit. Hein, on affirme ce que Allah a affirmé et c'est tout. Il dit de même que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'au jour de la résurrection, il va venir. Hein, il va venir. Et donc, Al-Maji, Al-Maji, hein, ou Al-Ityan, ce sont deux attributs parmi les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit affirmer. Le verset 22 dans Surat Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala dit Waja'a Rabbuka. Waja'a Rabbuka, ça veut dire ton Seigneur est venu. Hein, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Hein? Et ton Seigneur vient et les anges en rang. Hein? Ils se placent en rang. Et le verset 158 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أو يأتي ربك أو يأتي ربك donc que ou que ton Seigneur vienne, hein, ou que vienne ton Seigneur, attendent-ils autre que ton que viennent les anges, que les anges viennent ou que vienne ton Seigneur. Donc c'est la preuve que le Seigneur vient au jour de la résurrection. Comment il vient, hein, comment il vient, personne ne sait comment il vient. Et on n'a pas à poser la question, le comment non plus. Commencer à imaginer, mais comment il vient, hein? Comment il vient? On ne peut pas imaginer ça. C'est Allah seul qui sait comment il vient. Et ce n'est pas à nous d'essayer de décrire d'imaginer ça. Et il y en a qui disent, mais non, il ne vient pas, il ne faut pas affirmer la venue, parce que ça c'est un discours allégorique et symbolique et métaphorique et ainsi de suite. Alors en disant ça, il nie la réalité de la venue d'Allah, hein? Donc on doit l'affirmer et pas rentrer dans la philosophie comme les, hein, comme les koufars ou les mouchriquins ou les philosophes qui essaient de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, selon la limite de leur petit cerveau, hein, c'est pas comme ça qu'on doit agir avec notre créateur, hein, on doit avoir plus de respect que ça. Et donc le verset 158, qu'attendent-ils? Que les anges leur viennent, que vienne ton Seigneur, hein? Donc ça c'est un exemple, et il y en a d'autres versets qui mentionnent ça. Naam. Et il dit وَنُثْبِتُ ذَلِكَ, donc on affirme cela parce que Allah, il se l'est affirmé pour lui-même, et il est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui l'a affirmé c'est lui-même, et il se connaît mieux que quiconque. Est-ce que quelqu'un va venir, par exemple, parmi les Asha'ira, les Maturidiyya, ou bien les Jahmiyya et les Mu'tazila, commencer à dire à Allah, non, Allah, tu ne sais pas comment parler de ta propre personne, laisse-nous, hein, te décrire. Nous savons mieux que toi comment parler de ta personne et de ton être. Hein? Donc, on ne doit pas se référer à ce que tu as révélé dans ta révélation, hein? On doit se référer à notre logique, la logique, hein, la logique des Grecs et des philosophes et des mouchriquines et des kuffars. C'est eux qui vont nous expliquer et nous faire comprendre qui tu es et comment te décrire et comment croire en toi. Donc ça, c'est la chose la plus étrange et la plus grave qu'on peut imaginer, que quelqu'un pense qu'il puisse décrire Allah mieux que Allah lui-même. Donc il dit, on doit donc affirmer ce que Allah s'est affirmé à lui-même, et on ne doit pas trouver ça étrange ou trouver ça bizarre, hein, comme certaines personnes. Parce que si tu dis que toi tu trouves un attribut quelconque, tu le trouves bizarre, hein, tu dis, oh, moi je trouve ça bizarre que Allah subhanahu wa ta'ala, il court, hein, donc toi tu trouves ça étrange, et un autre il trouve que c'est pas étrange. Alors dans ce cas-là, ça veut dire quoi? On va se baser sur la logique de quelqu'un, qu'est-ce que lui il trouve étrange et l'autre il trouve pas étrange. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Non, on doit se baser sur la révélation et sur ce que Allah a dit. Et on l'affirme, hein? Et on s'arrête là où la révélation s'est arrêtée. Et on n'essaie pas de rentrer dans le coma. Et c'est la seule façon d'être sain et sauf dans notre foi en ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on veut vraiment être sur le droit chemin, on se base sur ce que Allah a révélé, et donc on affirme les attributs et on ne les affirme on affirme les attributs et on ne les nie pas, hein? On affirme ce que Allah a nié, on affirme ce que Allah a affirmé et on nie ce que Allah a nié, et on s'arrête là où la révélation s'est arrêtée. Et on ne se base pas sur ce que notre logique peut nous dire. Si notre logique contredit la révélation, hein, et bien dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a un problème dans notre compréhension. Il y a un problème dans notre raisonnement. Ce n'est pas dans la révélation qu'il y a un problème, c'est dans notre raisonnement qu'il y a un problème. Et donc, si on revient à la logique ou à la raison, hein, alors on va se baser sur quelle raison, sur quelle logique pour établir à Allah ce qu'il a affirmé ou nié. Hein? Donc, ça veut dire, pour ces gens-là, la base, c'est pas la révélation, c'est leur raison. Et leur raison, elle est divergente. Hein? Il y en a un qui te dit une chose, c'est la logique, et l'autre, il te dit le contraire, c'est ce qui est contraire qui est la logique. Déjà, entre eux, ils appellent tous à quelque chose qui est la logique, mais leur logique, elle n'est pas, leur logique, elle n'est pas en harmonie. Elle n'est pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord entre eux-mêmes sur ce qui est logique ou ce qui ne l'est pas. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? On ouvre la porte à des débats et à des argumentations et à des discussions interminables au sujet des noms et des attributs d'Allah et au sujet de notre Créateur. Ça veut dire que, hein, on fait de notre Dieu, de notre Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, on en fait un sujet de débat, hein, un sujet d'argumentation, un sujet de dispute, hein, et ça ne finit plus. Donc ça veut dire qu'on s'est éloigné de la révélation. Tous les prophètes d'Allah, ils ont tous été d'accord entre eux sur la foi en Allah et sur qui est Allah. Donc ça, c'est la preuve que les prophètes, ils appellent à suivre la voie, le même chemin, la même voie, tandis que les philosophes et les kuffars et les mushrikines, ils n'ont jamais été capables de se mettre d'accord sur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils se basent tous sur leur passion pour essayer de déterminer et de décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la raison pour laquelle ils sont tombés dans ces affaires-là. Et après le cheikh il dit ثم نقول كما قال الامام مالك رحمه الله فكلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا ما جاء به الرسول لجدل هذا الرجل يعني اذا جاء انسان يجادل في صفه من الصفات فهل نترك ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لاجل هذا الرجل لابد بل نقول أنت مجادل بالباطل وجزاؤك أن ندعك ولهذا تجد أسلم الناس قلوبا في هذا الأمر هم السلف الصالح ثم عوام الناس خير من هؤلاء العلماء الذين يقولون إنهم العقلاء وينكرون ما أثبته الله تعالى لنفسه. Donc le cheikh il explique que l'imam Malik rahimahullah il a dit, est-ce que chaque fois qu'un homme qui sait mieux argumenter ou débattre que l'autre nous vient, nous allons abandonner ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a amené à cause de l'argumentation de cet homme? C'est-à-dire chaque fois qu'une personne vient et qu'il sait mieux débattre, parce qu'il y a un homme qui est venu voir l'imam Malik rahimahullah, il lui a dit: Ya Malik, je veux débattre avec toi sur tel sujet, un sujet par rapport à la croyance ou à la religion. Il a dit, et qu'est-ce qui arrive si c'est toi qui as le dessus sur moi? L'imam Malik a dit, qu'est-ce qui arrive si c'est toi qui as le dessus sur moi? Il a dit, dans ce cas-là, toi tu vas me suivre. Il a dit, oui mais, ok, dans ce cas-là, l'imam Malik a dit, ok, et si moi je te suis, puis après un troisième vient, et lui il a le dessus sur nous deux. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Il dit, mais dans ce cas-là, on va le suivre. Alors il a dit, mais ça veut dire que, en réalité, à chaque fois tu vas changer de religion, à chaque fois tu changes de voie. Hein? Donc il a dit, est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un nous ramène quelque chose, alors quelqu'un qui sait argumenter mieux que l'autre, on va laisser de côté ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené et on va le suivre? Donc ça c'est... ça veut dire que la personne elle n'a pas de fermeté dans sa croyance, elle n'a pas de fermeté dans sa religion. Et dans une autre parole, une autre citation à ce sujet-là, il disait que celui qui ouvre la porte aux argumentations et aux débats à propos de la religion, il va changer constamment. Il va toujours rentrer dans une nouvelle bid'a, une nouvelle idée, surtout s'il se base sur ce qu'il pense être sa logique. Donc c'est ça qui est vraiment incroyable par rapport à ces gens-là. Et même tu vois des gens qui aujourd'hui parlent de science et de logique et d'arguments rationnels, et puis ils se contredisent tous les uns les autres et ils prétendent tous se baser sur la même chose alors que ils sont pas d'accord sur la raison et sur la logique. C'est la preuve que tout ça c'est des questions d'interprétation, des questions de point de vue, de jugement. Alors on peut pas baser la religion sur ça. Donc le cheikh il dit, si quelqu'un il va commencer à venir argumenter avec nous à propos d'un attribut parmi les attributs, est-ce qu'on va laisser de côté ce que Allah et son messager ont dit pour suivre cet homme? Non. On va dire, toi tu argumentes dans le faux et la rétribution ou bien le résultat c'est qu'on va te délaisser parce que tu ne te bases pas sur la révélation d'Allah. Et donc il dit, c'est pour ça que tu vas trouver que les gens qui ont le cœur le plus sain et le plus en paix par rapport à la foi en Allah, c'est les gens qui ont suivi les salafus salih, les pieux prédécesseurs, et qui ont adopté leur méthodologie. Et tu vois que même le commun des musulmans, hein, il est plus, il est mieux que ce, que ces soi-disant philosophes ou ces soi-disant rationalistes qui veulent se baser sur la raison et la logique et qui renient ce que Allah a affirmé pour lui-même. Il dit le cheikh, فأنت يا أخي لا تستوحش مما أثبته الله لنفسه أبدا ولكن استوحش من شيئين هما التمثيل والتكييف والباقي أثبته. نعم لو كان هناك دليل يدل على أن الظاهر غير مراد فإنه يجب أن نتبع الدليل مثل قوله تبارك وتعالى للإنسان عبدي جعت فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني واستطعمتك فلم تطعمني. فظاهر الحديث أن الله تعالى يجوع ويمرض ويعطش وهذا معلوم أنه لا يليق بالله تبارك وتعالى والله تعالى بين هذا في نفس الحديث فقال ما علمت أن عبدي فلانا جاع أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه وعطش فلم تسقه ومرض فلم تعده فلما كان المعنى لا يليق بالله بينه الله عز وجل فدل ذلك على أن كل ما أثبته الله لنفسه فهو لائق به وعلينا أن نثبته. هذا يعني بحث مهم يتعلق بمسألة الرحمن الرحيم. Donc le cheikh il dit donc mon frère, il faut pas que tu trouves étrange ou bizarre ce que Allah s'est affirmé pour lui-même, hein, en aucun cas. Mais plutôt, tu dois trouver étrange et bizarre deux choses. At-tamthil ou at-takif. At-tamthil, c'est-à-dire le commun des attributs. Tu ne dois pas rentrer dans le commun. Et tu ne dois pas non plus rentrer dans at-tamthil, c'est-à-dire de faire des ressemblances entre le créateur et la créature. Le reste, affirme-le. C'est-à-dire le reste de ce que Allah a mentionné, hein, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, affirme-le. C'est-à-dire, affirme que c'est la vérité, que c'est, hein, qu'est-ce que Allah a décrit, hein, qu'est-ce que Allah a mentionné. Et il dit ça, c'est, il dit, s'il y avait, par exemple, dans un cas quelconque, il y aurait une preuve qui indique que le sens apparent de ce qui est mentionné à propos d'Allah n'est pas voulu. Supposons qu'il y a un texte, hein, qui mentionne un attribut quelconque, d'accord, et en règle générale, la règle générale en islam, dans le Coran et dans la sunna, c'est qu'on doit prendre le sens apparent de ce verset ou de ce hadith ou de l'attribut quelconque, on prend le sens qui est apparent. Si on doit sortir du sens apparent vers un autre sens qui n'est pas apparent, un sens qui est symbolique ou autre, alors il faut qu'il y ait une preuve qui supporte que le sens apparent ne soit pas voulu. Ça c'est très très important. C'est-à-dire que si quelqu'un par exemple va dire par exemple on ne doit pas prendre le sens apparent et littéral dans tel ou tel verset, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si on ne doit pas prendre le sens apparent ou littéral dans tel ou tel verset ou tel attribut à propos d'Allah, alors il faut qu'il y ait dans le texte une preuve que le sens apparent n'est pas voulu. S'il n'y a pas une preuve textuelle qui indique que le sens apparent n'est pas voulu, on n'a pas le droit de passer à un autre sens que le sens apparent. Et c'est ça ce que le cheikh est en train d'expliquer ici. Il dit par exemple que s'il y a une preuve qui indique que le sens apparent n'est pas voulu, alors dans ce cas-là, on doit prendre la preuve et suivre la preuve. Et il donne l'exemple d'un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Ahmad dans Al-Ilal et Al-Marwazi dans Ta'zim Qadr al-Salah et Ibn Battah dans Al-Ibana et Al-Bayhaqi dans Al-Shu'ab, il dit que c'est un hadith Qudsi, encore, qui dit: ô mon serviteur, j'avais faim et tu ne m'as pas visité. J'avais soif et tu ne m'as pas abreuvé. Et je t'ai demandé à manger et tu ne m'as pas nourri. Alors il dit, le sens apparent de ce hadith serait que Allah a eu faim, ou qu'il était malade, ou qu'il a eu soif. Et on sait très bien que ce genre de choses ne conviennent pas à Allah. Et il y a des preuves de ça dans d'autres textes, dans le Coran et dans la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas faim, il ne tombe pas malade, et il n'a pas soif non plus, il n'a besoin de rien. Allah dit dans le Coran, il nourrit, et il n'est pas nourri. Et beaucoup d'autres versets comme ça. Donc, il ne convient pas de dire ça à propos d'Allah. Mais le cheikh dit, mais dans le même hadith, il y a l'explication de qu'est-ce que cela signifie. Il dit, n'as-tu pas su que mon serviteur, un tel, avait faim et tu ne l'as pas nourri, qu'il avait soif et que tu ne l'as pas abreuvé, et qu'il était malade et que tu ne l'as pas visité? Donc, lorsque on voit cette signification-là, on voit que la signification qui est apparente, c'est pas elle qui est voulue. Parce que explication, cet attribut ou cette chose apparente qui était mentionnée, elle ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a clarifié lui-même par la suite. Et ça, c'est la preuve que tout ce qui a été affirmé par Allah subhanahu wa ta'ala, ça convient à Allah. Dans tous les autres hadiths ou versets dans lesquels il y a une description d'Allah, c'est parce que ça convient à Allah. Et si jamais il y a quelque chose qui ne conviendrait pas à Allah dans qu'est-ce qui est affirmé, soit Allah l'aurait expliqué, ou soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait clarifié. Mais s'il ne l'a pas fait, il faut prendre le sens apparent qui est mentionné dans le texte. Et ça, c'est pour la même chose. Ça, c'est vrai pour les noms et les attributs d'Allah, et c'est vrai aussi pour les autres questions, les autres sujets de la religion. Que si on doit sortir du sens apparent ou du sens littéral de qu'est-ce qui est mentionné dans un verset, il faut qu'il y ait une preuve qui justifie le fait qu'on en sorte. Et ça, c'est pour répondre en même temps à ceux qui disent, à propos des salafis, ils disent, ça c'est des littéralistes. C'est des salafistes littéralistes, ou des salafistes qui se basent uniquement sur le sens apparent des textes. C'est normal. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de, parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'ah, c'est qu'on prend le sens apparent des textes. On va pas commencer à faire comme les ésotériques ou les soufis, d'essayer de chercher un sens caché ou un sens mystique ou un sens métaphorique ou allégorique aux versets qui sont clairs et explicites. Et la même chose aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a mentionné au sujet des versets qui sont muhkamat et d'autres versets qui sont mutashabihat. Donc les versets qui sont mutashabihat, qui sont équivoques, qui peuvent avoir plusieurs interprétations, la sunna, la règle à ce sujet-là, la règle à propos de ces versets, c'est qu'on les interprète selon les versets qui sont muhkamat, qui sont sans équivoque et qui sont clairs. Donc le cheikh dit, ça c'est qu'est-ce qui a été relié à la question des noms, des deux noms qu'on a mentionnés parmi les noms d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le cheikh dit ensuite, il dit, مسألة إذا قال قائل أنتم يا أهل السنة والجماعة عندما تأتيكم نصوص صفات لا تليق بالله عز وجل كالهرولة والكلام والمشي واليد تقولون نتوقف عندها ونصف الله بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تشبيه ونحن نصرفها عما لا يليق بالله إلى ما يليق فنقول إن هذا مراد إن هذا مراد إن هذا مراد بها الإيمان وهذا مراد بها الرحمة وهذا مراد بها كذا وكذا فكيف نرد على هذا؟ الجواب سهل أن نرد عليهم فنقول أين دليلكم على هذا الصرف؟ أين دليلكم على هذا الصرف؟ فإن قال العبد فإن قال البعد عن التمثيل والتشبيه قلنا إذا قلنا يهرول بلا مشابهة كما أنكم تقولون إن الله ذاتا إن لله ذاتا لا تماثل الذوات فهل تثبت لله ذاتا؟ سيقول نعم فنقول أنا لي ذات فهل يلزم لذات الله أن تكون مماثلا لي؟ سيقول لا إذن فالصفة نفس الشيء. Donc le cheikh dit il y a une question que ces gens-là peuvent dire, ils disent vous dites oh les gens de la sunna wal jama'a lorsque on vous vient avec des attributs qui ne conviennent pas à Allah selon eux, comme par exemple le fait de courir ou la parole ou le fait de marcher ou la main, il dit vous dites nous on s'arrête à ces attributs-là et on décrit Allah parce que Allah s'est décrit lui-même sans faire de ressemblance, sans faire de comparaison avec la créature. Et il dit tandis que nous ils disent tandis que nous on les détourne de ce qui ne convient pas à Allah on les détourne de ce qui ne convient pas à Allah et on les interprète ou on les explique par ce qui convient à Allah selon eux. Alors le cheikh dit alors nous disons فنقول, ou bien eux ils disent, plutôt ils disent nous disons que voici ce que Allah a voulu par yani voilà ce qui est voulu par la foi, voilà ce qui est voulu par la miséricorde, voilà ce qui est voulu par tel ou tel attribut, c'est-à-dire ils interprètent ces attributs-là par autre chose. Alors comment réfutons-nous alors cette parole ou ce que ces gens-là disent? Alors le cheikh il dit, ça c'est facile pour nous de le réfuter. Premièrement, on va leur poser la question. Sur quoi vous basez-vous? C'est quoi votre preuve pour détourner le sens des attributs en question et pour les amener, leur donner un autre sens, un sens différent? Sur quoi vous vous basez pour faire ça? Par exemple, sur quoi vous vous basez pour dire que la miséricorde, ça ne veut pas dire la miséricorde, mais ça veut dire la volonté? Sur quoi vous vous basez pour dire que la main d'Allah, ça veut pas dire la main, ça veut dire la force, ou la puissance, ou la grâce, Certains disent la puissance, certains disent la grâce, certains disent d'autres choses. Sur quoi vous vous basez pour dire que al-istiwa, ça veut pas dire, s'élever au-dessus du trône, mais ça veut dire prendre le pouvoir du trône, ou conquérir le trône, ou des choses de ce genre. Yani, le cheikh, il dit, nous, on se base sur le fait qu'il faut. Le cheikh il dit que eux ils répondent à ça en disant que la raison pour laquelle ils déforment ou la preuve qu'ils ont pour déformer le sens des attributs, c'est le fait de vouloir s'éloigner de toute comparaison ou ressemblance entre le créateur et la créature. Et donc il dit nous disons, si on dit par exemple que Allah court, on dit qu'il court mais sans qu'il y ait de ressemblance avec la créature, ou bien que Allah également il a un être, il a son être, sa personne, qui ne ressemble pas aux autres êtres, des autres êtres qui existent, des autres créatures. Est-ce que vous affirmez que Allah a un être et une personne? Et ils vont dire oui. Alors nous on dit et nous aussi on a un être, on a une personne, c'est-à-dire nous-mêmes, notre personne, notre être. Et Allah il a une personne, il a un être lui aussi. Donc, est-ce que vous affirmez que Allah a un être? Oui. Est-ce que vous affirmez que vous avez un être vous aussi? Oui. Alors, est-ce que ça veut dire que parce qu'on affirme que Allah a un être et que vous avez un être, que ça veut dire que il y a une ressemblance entre les deux? Et là, ils vont dire non. Alors, dans ce cas-là, c'est la même chose pour les attributs. On ne dit pas que parce qu'on affirme que Allah a un attribut et que nous, on a la même attribut. Par exemple, on a l'attribut de la miséricorde et Allah, il a l'attribut de la miséricorde. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une ressemblance entre la miséricorde d'Allah et la miséricorde des créatures? Non, il n'y a pas de ressemblance. Donc, le cheikh dit « ثم نقول يا رجل ما موقفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة إذا قال لك إني قلت كذا أو قال رسولي كذا فما الذي أخرجك عن هذا فإذا قال عقلي فيقول وهل تنزل كلامي على عقلك وإذا كان عقلك يقول كذا وعقل الثاني يقول كذا فإلى أي عقل نرجع فلهذا تجد أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة متناقضين يثبتون من الصفات ما ينفون نظيرها أو أولى منها من في الإثبات ويتناقضون هم بأنفسهم فتجد أحدهم يقول هذه الصفة واجبة لله عز وجل والثاني يقول هذه الصفة ممتنعة عن الله والثالث يقول سأكون وسطا أقول جائزة ولا أثبتها فالحاصل أنه ليس لهم دليل وعجبا منهم أن ينزلوا آيات الأحكام على ظاهرها ويعملوا بظاهرها ويستبيح الدماء والأموال على ظاهرها ثم لا يصفون الله بما وصف به نفسه ولا فرق بين حكم الله وصفة الله فإذا كانت أحكام الله تجرون نصوصها على ظاهرها ففجروا نصوص صفات الله على ظاهرها. Donc le cheikh il explique, il dit, ensuite tu peux leur dire, ô toi l'homme qui déforme le sens des attributs d'Allah, quelle est ta position lorsque tu vas arriver devant Allah au jour de la résurrection et que Allah va te dire, j'ai dit dans mon livre telle chose à propos de moi-même et mon messager a dit telle chose à propos de moi. Qu'est-ce qui t'a fait sortir de ça? Qu'est-ce qui t'a fait sortir de ce que j'ai dit et de ce que mon messager a dit? Alors il va dire, c'est ma logique. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, il va lui dire, et est-ce que tu vas établir ou juger ma parole selon ta raison? Est-ce que tu vas faire descendre ma parole selon ta raison? Donc, ça c'est un problème. Tu penses que Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, il va accepter ça comme excuse? De dire que tu n'as pas voulu accepter ce qu'il a révélé parce que tu t'es basé sur ta logique, alors que ta logique n'est pas une preuve. Et en plus, il y a un problème avec ta logique. C'est qu'il dit, si toi tu dis que tu te bases sur ta logique, et que tu dis ta logique t'a dit telle chose, et la logique de l'autre, elle lui a dit autre chose, alors on va se baser sur la logique de qui? Ta logique elle dit ça, la logique de l'autre elle dit autre chose. Donc on va se baser sur la logique de qui? Il dit, c'est ça qui est incroyable avec les gens de Bid'a comme les Mu'tazila et les Asha'ira. Tu vois qu'entre eux, ils sont en contradiction. Et tous les deux, ils prétendent se baser sur la logique. Et donc, ils affirment des attributs que les autres nient. Et donc ils se contredisent entre eux. Tu vois qu'il y en a un qui va dire, cet attribut elle est obligatoire pour Allah, il faut absolument l'affirmer. Et l'autre, ils disent, non, cet attribut elle est interdite à Allah, on n'a pas le droit de lui affirmer. Et un troisième groupe qui dit, non, moi je suis entre les deux. Je dis qu'elle est permise, mais je l'affirme pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se base sur quelle logique maintenant? Quelle la raison de qui? Et la logique de qui? Le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? C'est qu'ils n'ont pas de preuves pour justifier le fait de déformer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que c'est étonnant en même temps aussi, pourquoi, qu'est-ce qu'ils appliquent pour les attributs, ils ne l'appliquent pas pour les sujets qui ont rapport avec les règles de la religion. Les règles de la religion, ils les prennent dans son sens apparent. Par exemple, les règles qui ont rapport avec le wudu, les règles de la salat, les règles de la zakat, les règles du jeûne, les règles du hajj. Pourquoi ils ne les déforment pas de leur sens apparent? Pourquoi ils ne leur donnent pas un autre sens différent? Hein? Malgré qu'il y en a des gens qui ont fait ça, parmi les gens qu'on appelle les batiniyas, les ésotériques, eux ils ont dit le jeûne ça ne veut pas dire le jeûne, ça veut dire cacher les secrets de la secte, et le hajj ça ne veut pas dire aller à la Mecque, ça veut dire autre chose, et la salat ça ne veut pas dire prier 5 fois par jour, hein, ça veut dire de reconnaître notre imam ou je ne sais pas quoi. Et donc à chaque chose qui est mentionnée dans le Coran, le wudu, ils disent non, le wudu ça ne veut pas dire tu te purifies avec de l'eau, ça veut dire autre chose. Ils ont changé le sens de chaque chose dans la religion par un sens caché que seulement eux connaissent. Eh bien, ça c'est l'exemple des gens qui ont dévié dans cette question là et aujourd'hui il y en a qui veulent qu'on suive ça, il y en a qui veulent que les musulmans suivent cette façon d'agir, c'est-à-dire interpréter la religion selon nos désirs et nos passions et non pas selon le sens apparent des textes. Donc le cheikh il dit c'est bizarre qu'ils ont déformé le sens apparent des attributs d'Allah, hein, et des choses qui ont rapport avec la foi, ils les ont déformés de leur sens apparent. Mais en ce qui concerne les règles au sujet du saint, au sujet des biens, au sujet de toutes les autres règles de la religion, ils l'ont laissé dans son sens apparent. Puis quand ils arrivent à la religion, quand ils parlent d'Allah et de ses attributs, eh bien ils déforment le sens. Le cheikh il dit, alors qu'il n'y a pas de différence entre le jugement d'Allah dans les règles de la religion et les attributs d'Allah, on doit tous les prendre de la même façon. Donc si on prend les textes apparents quand il s'agit des règles de la religion, eh bien il faut aussi prendre le sens apparent des textes lorsque yani, on parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Et le cheikh il dit wahtariz min shay'ain at-tamthil wa at-takyif walhamdulillah وأنا حجتي عند الله إذا قال لي ربي يوم القيامة لما أثبتت لله عينين أقول حجتي بذلك قولك يا رب وقول رسولك. Donc le cheikh il dit, et fais attention à deux choses. Fais attention à ne pas tomber dans la ressemblance et la comparaison entre le créateur et la créature. Et fais attention aussi à ne pas demander ou à chercher le commun des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. À part ça, affirme ce que Allah a affirmé sans problème. Et si Allah, au jour de la résurrection, il te demande sur quoi tu t'es basé pour affirmer ce que tu affirmes à propos d'Allah et son message, et pour affirmer ce que tu as dit à propos d'Allah, sur quoi tu te bases, eh bien, comme par exemple si le cheikh il dit, si Allah au jour de la résurrection il te dit sur quoi tu t'es basé pour affirmer que Allah a 2 yeux, il dit tu vas répondre ma preuve c'est ce que Allah a dit et c'est ce que le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut te blâmer au jour de la résurrection d'avoir dit ce que lui-même a révélé dans le Coran et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit? Non, il ne va pas te blâmer de ça. Tandis qu'il va te blâmer d'avoir essayé de dire des choses dans la religion sans preuve, en te basant sur ce que tu prétends être logique ou ou en disant que c'était ta raison alors que tu n'as pas de preuve de la révélation à ce sujet-là. Le Cheikh il dit mas'alatun fi sifatil harwala qala Allah an nafsihi ataytuhu harwalatan fala taqul anta la ya'ti harwalatan fahal qala as-sahaba ya rasul Allah الهرولة حقيقة أو كناية عن سرعة الإجابة إذن وأنا أقول إذا قال الله ورسوله شيئا فلا تكلف نفسك قل آمنت بالله ولا تقل كيف يأتي هرولة ولكن الحديث المشار إليه فيه للعلماء رحمهم الله قولان القول الأول أنه على ظاهره ونقول هي هرولة يأتي الله عليها يعني ما أراد ومن يأتي يوم القيامة فسوف يأتي إما هرولة أو مشيا أو على أي صفة فكذلك إذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عز وجل يأتي هرولة فهو يأتي هرولة والله أعلم ومنهم من يقول أو ومنهم من قال إن هذا من باب بيان أن الله سبحانه وتعالى أسرع إلى عبده من عبده من عبده إليه وقال إن في الحديث ظاهرا يدل على ذلك وهو قوله من أتاني يمشي فإن إتيان الإنسان لله تعالى يمشي وليس كل عبادة فيها مشي يعني يأتي لو قدرنا مثلا أن الحج فيه مشي يسعى الإنسان في من بلده إلى مكة وأن في بعض عبادات المناسك ما هو مشي كالطواف والسعي فممكن هذا فإن الغالب أن العبادات ليس فيها مشي والإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد ومع ذلك فهو ساجد ماكث ففي الحديث قولان قول أننا نجريه على ظاهره ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه ونسكت والقول الثاني نؤوله بناء على أن فيه قرينة تدل على هذا التأويل. Donc le Cheikh il dit un autre point. La question de l'attribut quand on dit lorsque dans le hadith tout à l'heure on mentionnait le hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit et lorsque mon serviteur vient vers moi en marchant Je cours vers lui. Ça c'est un hadith qudsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit celui, mon serviteur qui vient vers moi en marchant, moi je viens vers lui en courant. Eh bien le shaykh il dit à ce sujet là l'attribut d'Allah lorsqu'il dit moi je viens vers lui en courant, il dit ne dis pas toi non, Allah ne vient pas en courant. Viens pas dire le contraire de ce que Allah a dit. Allah, il a dit qu'il vient en courant. Toi, dis pas, non, il vient pas en courant. Et il dit, est-ce que quand les sahabas ont entendu cette parole, est-ce qu'ils ont dit au messager, Ya Rasulallah, est-ce que le fait de courir ici, c'est réel, en réalité ou bien c'est symbolique? Pour indiquer la rapidité à laquelle il exauce son serviteur. Non, les sahabes n'ont jamais demandé ça. Et les sahabes n'ont jamais dit ça. Et le shaykh dit, moi je dis, si Allah et son messager ont dit une chose, ne te casse pas la tête, essaie pas de rentrer dans les détails de cette question, dis, je crois en Allah, et yani, ne demande pas comment Allah court. Ou commencer à imaginer comment cette chose-là se fait, puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit et on doit y croire. Il dit, mais il y a deux positions chez les ulama à propos de cette de ce hadith. Il y a deux explications des ulama au sujet de ce hadith. La première explication, c'est qu'on doit le prendre dans son sens apparent, tel quel. Et donc, Allah, il dit qu'il court, hein, et donc, on doit l'accepter tel quel. Tel que Allah l'a voulu. Et donc, celui qui arrive au jour de la résurrection, hein, est-ce qu'il va arriver en courant ou en marchant ou de quelle autre façon, hein? Il dit, ça on ne sait pas, c'est tel que Allah l'a dit et on se base là-dessus, les détails, on ne commence pas à poser des questions là-dessus. De même que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'il nous a informé de quelque chose, ici il dit Allah il court, alors dans ce cas-là on doit dire qu'il vient en courant et c'est tout. On dit Allahu a'lam, Allah c'est mieux pour le reste. Parmi les ulama, il y en a une autre position ou une autre explication de ce hadith. C'est ceux qui ont dit que ça c'est pour expliquer le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à son serviteur plus vite que son serviteur vient vers lui. C'est-à-dire que chaque fois que le serviteur, il fait un effort pour s'avancer vers son Seigneur, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il revient vers lui, il vient vers lui plus rapidement que son serviteur. Hein? Donc toi tu viens en marchant, lui il vient en courant. C'est pour dire que tu fais un pas et lui il va venir encore plus vite vers toi que toi tu vas vers lui. Hein? Ouais, c'est comme si pour dire que yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'abandonne pas, il te laisse pas. Si tu viens vers lui, lui il va encore venir encore plus vers toi. Donc pour dire que si toi tu fais pas l'effort, tu fais pas l'effort de venir vers Allah, Allah il va pas venir vers toi. Mais si toi tu fais le premier pas et tu fais l'effort pour aller vers Allah, même si c'est en marchant, Allah lui il va venir en courant. Donc c'est pour dire que il vient plus rapidement vers le serviteur que le serviteur vient vers lui. Ça c'est l'explication de certains ulama et ils disent que le hadith, son sens apparent, prouve cela. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith, il dit « celui qui vient vers moi en marchant ». D'accord ? Donc ça c'est le sens, ça c'est clair. Et il dit que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala vienne en marchant, eh bien on sait que, le fait que l'être humain vienne vers Allah en marchant, c'est pas toutes les adorations qui ont la marche dedans. Par exemple, si on suppose qu'il y a la marche dans certaines adorations, comme dans le Hajj par exemple, il y a la marche lorsqu'on fait le Sa'i entre As-Safa et Al-Marwa, il y a la marche aussi par le fait de marcher jusqu'à la Mecque, parce qu'il y en a des fois ils partent en marchant aussi, et dans certaines pour aller à la Mecque, ça dépend de la distance où tu habites. Si tu habites, j'ai entendu des histoires des gens qui habitent en Afrique, qui sont partis à pied jusqu'à la Mecque. Oui, ils marchaient pendant 2 mois, 3 mois pour arriver jusqu'à la Mecque. Hein? Et il y en a d'autres qui habitent plus proche, ils peuvent marcher, des fois ils vont, ça peut leur prendre 2 semaines, ou ça peut leur prendre plus ou moins, ça dépend. Donc ça c'est pour dire, il y en a qui partent à l'aventure comme ça. Ils partent, ils amènent un sac avec des provisions, puis ils marchent pendant 1 an, 2 ans. Ils vont pas se presser. On dit, je pars aujourd'hui, je sais que le Hajj c'est dans 6 mois, je vais arriver, mais je vais prendre mon temps. Ils arrêtent dans chaque ville, ils s'arrêtent, ils mangent, il se repose un peu, il voit s'il y a des ulama ou des shuyukh, il va rester un peu avec eux pour apprendre un petit peu, après il part à l'autre ville, et il avance comme ça petit à petit jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à la Mecque. Et ben c'est comme ça que beaucoup de gens ont fait dans le passé. Après il dit dans les rites du Hajj lui-même, il y a beaucoup de situations de moments dans lesquels on doit marcher aussi lorsqu'on fait les rites du Hajj, comme dans le Tawaf par exemple on marche, dans le Sa'i entre Safa et Marwa on marche, quand on va à Mina, quand on va à Muzdalifa, quand on va à Arafat. Tout ça, c'est des endroits, des fois, on marche, si on n'a pas de voiture, on va être obligé de marcher. Et donc, c'est des exemples de la marche. Aussi, quand on va à la mosquée 5 fois par jour, souvent, on marche de la maison à la mosquée. C'est des adorations dans lesquelles on marche. Hein. Sinon, le cheikh dit, sinon, on voit que, par exemple, l'être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné. Hein? Alors que dans la prosternation, on n'est pas en train d'avancer, on est sur place. Mais malgré tout, on est plus proche d'Allah dans cette position-là que lorsqu'on marche. Donc c'est pour dire que, ça c'est pour faire comprendre qu'en réalité, ceux qui ont pris le sens que c'était pour dire la rapidité dans laquelle le serviteur se tourne vers Allah, hein, pour dire que Allah il se tourne vers lui plus rapidement que lui, c'est par rapport à ces exemples-là qu'ils ont mentionnés. Et il dit donc que à propos de ce hadith, il y a deux positions. La parole des ulama, hein, il y a le sens, il y a de ceux qui disent on le prend dans son sens apparent et tel quel, comme Allah et son messager ont dit, et on se tait. Et l'autre position qui explique le hadith en se basant sur d'autres indices qui sont établis dans les textes qui prouvent cette explication-là et cette interprétation-là. Donc ça c'est yani, l'explication en question. Donc on va s'arrêter ici, ou plutôt le cheikh dit wa inna, la suite du verset. La suite du verset, parce que le verset qu'on était en train d'expliquer, c'est, on a dit dans le verset dans Surat al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Hu Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wa shahada, hu ar-Rahmanur Rahim. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué jusqu'à date. La suite du verset, ça dit Hu Allahu alladhi la ilaha illa hu, al-Malikul Quddus, al-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Donc ça c'est les versets suivants, c'est le verset suivant. Et donc le cheikh il dit wa qawluhu huwa alladhi la ilaha illa hu ta'kidun lil jumlati al-ula alladhi la ilaha illa hu wa qawluhu al-malik. Donc on est rendu à l'explication du nom al-malik, et après il va expliquer al-quddus, et après il va expliquer as-salam, et après il va expliquer Al-Mu'min et Al-Muhaymin. Donc on va expliquer tout ça demain, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis demain on va continuer la suite de ces versets-là, donc la suite des noms d'Allah qui sont mentionnés dans le verset, on va les expliquer demain, bi'idhnillah. Ok. C'est ça. Khair, inshallah. D'accord. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fika barakatuh.